Tortoline et Art Attack tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. Hey, bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue sur Radio Panique. Vous écoutez Tortoli et Art Attack sur le 105.4 sur Radio Panique. C'est ça. Ça fait plaisir de vous retrouver, chers auditeurs. Comme l'a dit Tortoli, on est de retour. On est de retour. Et ce mardi, c'est une spéciale. C'est une spéciale folie. Une spéciale folie. Et ça fait plaisir, j'ai envie de vous dire. Mais c'est la folie, c'est la folie, c'est la folie. Non mais attends, depuis le temps que j'attendais de faire un portrait d'une artiste de cette importance quoi. Enfin je veux dire, je sais pas si vous vous rendez compte, Liane Folly, chanteuse, actrice, et en plus elle a de l'actu. Et maintenant, elle est imitatrice, elle a un one woman show, tu vois. Elle est en tournée depuis le mois de janvier avec un spectacle qui s'appelle la folle par en cul. Enfin tu vois, talent, tu vois, la lyonnaise. Mais moi ça, là franchement 60 minutes de Liane Folly, on va se faire plaisir. On va se régaler, exactement, c'est une spéciale Liane Folly. Et vous suivez Tortoli Art Attack, Liane Folly en 2-3 années, 2-3 années clés, 98 opération des seins, 99 opération du nez, et 2004 là récemment, le menton. C'est faire refaire le menton. Pour ajouter 1962, sa naissance, donc Liane Folly a 48 ans, comme son physique ne l'indique pas. Voilà. Mais on attaque par. Mais voilà, peut-être pour ceux qui ne savent pas trop bien ce qu'elle a pu faire, voilà déjà un petit. Sa vie, son œuvre. Un petit extrait, quoi, directement, ce serait possible. Exact, on a tous le droit. On a tous le droit. Voilà, c'est ça. Tout de suite, Liane Folly sur Radio Papao Panique. On a le droit. Quand personne nous voit, de pleurer en silence, de regretter son enfance, de se laisser aller en regardant tomber la pluie. On a le droit, quand personne nous croit, de sortir sa violence, tous ces mots qu'on dit pas mais qu'on pense, de parler à Dieu, de parler à qui on veut. On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. On a tous raison de se poser des questions, d'oser dire non. On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. On a tous une chance, c'est pas perdu. Oh là là là là là là. Excuse-moi mon petit Art Attack, mais là c'était vraiment pas possible. Je viens d'avoir la direction de Radio Panique et apparemment c'est pas une spéciale folie, c'est une spéciale programmation santé mentale. Ça n'a rien à voir. Ah, la folie en général, les folies. Ah d'accord, rien. Merde, mais moi qui avais préparé toute une émission sur Liane Folly, je sais pas comment on va s'en sortir. Et bah... Donc effectivement d'accord, d'où le fly que j'ai sous les yeux, santé mentale, voilà, du 16 avril au 18 mai, Radio Panique se met en mode santé mentale, tout ce qui est psychose, voilà, alternative, précarité, trouble du travail, voilà, tout ce qui est d'accord. Et c'est ça qui nous avait demandé en fait, une spéciale folie. Voilà, ok, autant pour moi. Et ben tant pis, on n'est jamais perdu, on n'est jamais déstabilisé. Donc on délaisse Liane et sa folie et sa folle folie. On va partir sur les fous et les folles, les autres, autres. On va du coup faire une programmation musicale en rapport avec la folie, paranoïa, schizophrénie, j'en passe, c'est des meilleurs. Ok, bon, on va repartir là-dessus. Il y aura une playlist aussi. Alors, on va essayer de trouver du son en rapport avec la folie, de près ou de loin. Et voilà. Et puis on va essayer de. Déjà, j'ai un petit générique un peu pour toi. Un petit Benny B. Benny B. Je te bénis. Benny B. Je te bénis. Benny B. Yes, I. Benny B. Ça, c'est du Made in BXL. Mais vous êtes fou. 1989. Vous êtes fou. Avec DJ Daddy K. Au platine déjà à l'époque. Ladies and gentlemen. Daddy K. Vous êtes fou. Oh oui. Parfait. Et qui l'accompagne? Benny B. B-E-2-N-Y-B. Mon nom à moi, c'est Benny B. Oui, tu l'as combiné. Comme toi je veux la justice, j'essaie de défendre mes droits. Partout où tu vois la foule, c'est qu'on parle de moi. Je descends des quartiers, soi-disant m'a fréquenté. Où la PJ y passe trois quarts de la journée. Mais j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre de cette vie-là. Et pour sortir de cette impasse, je ferai n'importe quoi. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Quand je vois dans la rue tous ces jeunes qui hier, qui restent là à ne rien foutre, moi je crie colère. Car tous ces personnes sont sympas, qu'il reste encore une chance. Sinon nous rien à cirer, pour eux ça n'a pas d'importance. Mais je ne suis pas comme eux, je veux me défoncer. Je ferai tout ce que je peux pour que ça puisse marcher. Montrer à tous ces bailleurs que le move est fort. Qu'une fois que c'est parti, tu te sens le plus fort. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Je fais partie des b-boys, c'est un style qu'on redoute. À la radio, à la télé, si jamais tout nous écoute. Je veux que tu penses à nous et que tu dises pas pour tous les gens qui nous aiment pas. Que pour tu vois notre route, oui c'est du rap français. Plus fort que jamais, apportons avec lui le fond de tous ces secrets. J'ai dégoûté, si tu comprends pas, c'est que t'es pas branché. Ladies and gentlemen, DJ, dedicated, vous êtes fous. Oh oui. Et qui l'accompagne? Benny B. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Je veux me défoncer, je ferai tout ce que je peux pour que ça puisse marcher. Montrer à tous ces bailleurs que le move est fort. Une fois que c'est parti, tu te sens le plus fort. Oui, à tous ces bailleurs que le move est fort. Une fois que c'est parti, tu te sens le plus fort. Yo. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. T'es là, Arbatax. Merde, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est? Putain, tu vois ce que je vois? Ça approche. Merde, derrière toi. Ah putain, arrête. À quelle horreur. Merde. À quelle horreur. Oh putain, oh non. Oh pas ça. Oh, merde, mais qu'est-ce que c'est? Je crois que ça va être plus fort que nous ça. Tortoli, je crois qu'on va pas s'en sortir. Non, attends, je vais... Faut prendre des petites pilules. Des roses, des bleus, je sais pas, j'en ai plein là. Plein de pilules. Plein de pilules. Pilules. Pilule, qu'est-ce que c'est? C'est énorme, mais c'est... Putain, c'est tellement énorme, je vois pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Attends, j'ai une idée. Qu'est-ce que c'est? On va se mettre un petit son, sous cacheton. Ça va aller mieux après. Vite, une pilule, plein de pilules. Ça s'appelle Erwan, c'est sur l'album Radio Cortex numéro 2. Prenez-en plein, des cachetons, des pilules, ça s'appelle sous cacheton. Disney, le parc bat son plein, sa grouille de touristes en short avec de vilains bambins qui hurlent pour être avec moi sur la photo. J'ai chaud, j'étouffe sous mon costume de bozo. Des musiques débiles bourdonnent à mes oreilles, on dirait Michael Jackson remixé par Yves Tutey. J'ai vraiment l'air con avec mon bec, mes pannes. Je suis amoureux de Minnie, mais elle couche avec Peter Pan. Depuis que je travaille à Disney, je suis sous cacheton. Je crois qu'ils m'ont montré. S'embrouille, je vais faire une pause dans la loge. Et là, je tombe sur Minnie à poil qui change. Oh non, là, non, c'est drôle. Je saute sur la souris. Viens ici, Minnie. Sa petite voix d'abeille grésille dans ma ruche. Je prends l'épée du roi Arthur et lui fracasse la cruche. Minnie, j'y atterre. Et là, stupéfait, je m'aperçois que Dingo nous observait. Je lui envoie directement un coup d'épée sur le crâne. Trop tard, pas le temps de l'empêcher de déclencher l'alarme. sors dans le parc, l'épée à la main. Je me réfugie dans le train fantôme de Blanche-Neige et les sept nains. Je bouscule la foule, mouvement de masse incontrôlé. Les gosses hurlent à la mort, ils se font écraser. Tour de Babel, toutes les langues se mettent à beugler. Je file au fond du tunnel pour me réfugier. Et là, je tombe sur Simplet, il me fait son sourire débile. Moi, rien pour le plaisir, tiens, je t'explose à coups de paramine. Je ressors, mais y'a le comité d'accueil. Toute la sécu m'attend avec Jojo l'écureuil. Je prends un moment en otage, la foule s'écarte, je fraye. Et me couvre dans le peu labyrinthe d'Alice au pays des merveilles. Je le traîne sur 100 mètres, mais le petit salaud mord la main. Reviens, gamin. Je peux pas courir avec mes palmes. Je le laisse et me cache au milieu de la parade des princesses. Depuis que je travaille à Disney, je suis sous cacheton. Je crois qu'ils m'en ont trop fait. J'ai pété un plomb. Depuis que je suis tonneau, j'ai tout le monde à mes trousses. Je pousse le char à Belle qui s'éclate sur la bête. Devant moi, une vendeuse de ballons pétrifiés. Je pique tout son stock, lui met un coup de pelle. Je m'accroche au fil et là je décolle. Mais le roi lion s'agrippe à mes basses quand je quitte le sol. Je perds mes palmes, il s'étale. Je m'envole, d'en haut je vois le chaos que j'ai laissé en bas. Le paradis des enfants ressemble à la bande de Gaza. Adieu, parc maudit, à moi l'Amérique. Oh merde, j'avais pas vu la cime de l'arbre magique. Je me prends violemment le haricot synthétique. Mon costume est coincé dans les branches en plastique. En bas y'a plein de gens bizarres qui se mettent à camper. C'est qui les nouveaux méchants du prochain Disney? M'approchez pas avec votre flingue. Je vais sauter, je suis dingue, je vais sauter. C'est Radio Panique, c'est 105.4, c'est Tortoli et Arbatax. C'est une forme de virus, genre Ebola. C'est formidable. Toi l'enfant, t'es comme un adulte normal, sauf que toi, tu ne sers à rien. T'es pas autonome, t'es assisté par tes parents. Ben moi les gens comme toi, je te les renvoie dans leur pays. Les enfants, ça sert à rien. Et tous les jours, tu nous fais des petits dessins, des petits bonhommes, des maisons et du soleil. On te dit jamais rien, sinon après tu chiales. Mais en fait, tous tes dessins, ben c'est vraiment de la merde. Les enfants, ils ont pas de talent pour les brûler, comme au Brésil. Puis tu dis à tout le monde que quand tu seras grand, tu vas devenir cascadeur, vétérinaire ou bien pilote de chasse. Mais déjà trouve-toi du boulot et après on en reparle. Les enfants, ils ont des anxieux, faut les brûler. Et toi le petit chinois qui bosse à l'usine, tu es vraiment inconséquent. Ton contrat de travail, tu le négocies tellement mal que du coup ça se répercute sur mon système social. Les enfants, mais merde, et normalement c'est guitare là, c'est guitare, ouais. 1, 2, 3, code. Les enfants, faut les brûler comme au Brésil. Faut les priver de dessert comme on a su. Faut les rendre encore plus bon comme je te fais l'amour. Même si t'as pas forcément l'âge pour y prendre goût. C'est pas marrant pour un vieux qu'on lui rappelle son âge. C'est ça. Vous écoutez Tortelière Batax, c'est la spéciale folie. C'est de la folie. Folie, folie, folie. Folie. Voilà, cette émission est dans le cadre de la programmation santé mentale de Radio Panique qui a lieu du 18 avril au 16 mai. Tout à fait. Tout ça de mémoire, hein. Pas de mémoire de fou. Non, non. Voilà, et ça, la petite musique que vous entendez derrière, c'est la musique de la chronique, de l'expression de la semaine. Tout à fait, tout à fait. Le fou volant. Le fou volant. Bon voilà, et cette semaine, qu'est-ce qui s'organise? Alors, qu'est-ce qui s'organise cette semaine? Expression de la semaine, je défends, je suis à votre droite, toujours. Priorité aux fous, les fous d'abord. Voilà, les fous d'abord. Moi, mon expression, c'est full bactéries. Full bactéries, alors pleine de bactéries. En fait, si tu peux dire... Putain, cet endroit c'était full bactéries pour dire oh, c'était dégueulasse, c'était nul. Tu peux le dire de la façon c'est nul, mais c'est aussi c'est dégueulasse, c'est pas intéressant. Voilà. Il y a le côté propreté et le côté inintéressant. Le côté propreté, tu veux dire c'est propre ou c'est pas propre, j'ai pas, Non, pas... tu peux l'indiquer pour quelque chose qui est pas propre, c'est mais pas tu propre. Peux l'indiquer aussi pour quelque chose qui est pas intéressant, quoi. Voilà, d'accord. Genre, je suis allé voir un film, franchement, le film full bactéries, quoi. Tout naze. Enfin, horrible. Une horreur. C'est bien, j'aime bien. Est-ce qu'on l'utilisait avant ça ou c'est tout nouveau ou c'est un ça truc qui revient dans ma mémoire depuis... Attends, je regarde ma montre, 3 minutes 30 que tu l'as inventé. Que c'est en société. C'est bien ça, c'est bien. Bon bah voilà une nouvelle bactérie. Une bactérie de plus. Une bactérie de plus. Voilà, donc full je défends bactérie. Full bactérie. Et toi mon petit Arbatax. Bah voilà, on va rester dans le thème, hein, les fous, les folles, la folie. J'avais déjà une expression, mais bon, j'ai un peu peur cette semaine parce que j'avais déjà proposé, je me rappelle une fois, il y a quelques mois. Je te sens pas serein. Bah, non, je suis pas du tout serein, bien sûr. J'ai les jambes qui tremblent. Il faut que je m'assoie d'ailleurs, tiens, attends. Mais attends. Voilà. Allez, c'est bon, ouais. Attends. Voilà, me voilà assis. Donc défendais, je me rappelle, au top de ma folle. Qui n'avait pas du tout scoré, enfin les amateurs, seulement les vrais avaient apprécié, mais c'était quel siècle ça, c'était au 17e. C'était voilà, c'est ça, c'était donc au mois de février, mais voilà, et donc donc si on repart sur la folie, j'ai peur de me prendre une branlée encore, mais bref. Oh. Non, mais on peut dire faire sa folle, voilà, faire sa folle. Faire sa folle. Oh la folle l'autre. Tu peux explique-le un petit peu. Bah comment rien, ça se passe par exemple, oh l'autre il a fait la folle. Voilà, il a fait la folle quoi, je sais pas, tu grimpes sur quelque chose, la folle, t'as acheté un t-shirt rose, la folle quoi, je sais pas, ouais, tu fais ta folle quoi. Ah ouais, doubler un camion dans une montée, c'est faire sa folle. Ouais, grave, grave. OK. Grave. Tiens, j'ai entendu qu'ils avaient organisé un marathon sur la banquise. Il y a pas si longtemps que ça, je te jure. Véridique. L'organisateur, il a fait sa folle. Ouais, ils ont fait non mais même tous quoi, même tous ceux qui ont été, ils ont fait les folles quoi. Ah ouais. Tu vois. Ah d'accord. Okay. Autant faire un marathon sur la banquise. La folie quoi. Voilà. Bon bref. Très bien. Une thématique folie pour cette semaine. Donc, à vos buzzers, à vos boîtiers. Ça se passe sur Facebook, vous votez. Tortoli Arbatax. Si vous n'êtes pas amis, vous votez pas. Si vous êtes amis, vous votez. On rappellera l'expression de la semaine. Vous laissez votre vote juste en dessous. Et tout se passera pour le mieux. Voilà, merci. Ça, c'était la chronique. Et on va repartir sur du son. Alors, le son qui va venir, ça s'appelle The Street Shaman. C'est un petit groupe de Nantes. Ils sont quatre, en fait. Ils font le morceau Paranoraman. Voilà, donc qui a un petit rapport avec la folie. Vous allez voir, d'autant plus si vous allez voir le clip, vous comprendrez encore plus. Le panorama. Plus. Le, voilà. La folie, le panorama. Donc, c'est bien Panoramaman. Mais t'es fou quoi? T'es con, tu. Attends, c'est quoi? C'est parano raman? Paranormalement. Ouais, comme parano quoi. Parano, voilà, quoi. C'est voilà. Ça. C'est ça, d'accord, on est d'accord. C'est extrait de l'album The Infraland Experience. Ils sont signés chez Vlad Prod. Donc voilà, ça vient de Nantes. C'est du tout neuf, hein. C'est bon, c'est ça, quand c'est neuf, c'est bon. Et puis voilà, on suivra ça avec un petit groupe de Cannes cette fois-ci. Donc ça fait une petite doublette française. Et les Canois, en fait, ils s'appellent Maniacs. Et le morceau s'appelle Tortoli, si tu veux bien m'aider sur ce coup-là. Il s'appelle Funny Guys. Funny Guys, voilà. Voilà, parfait. Voilà. Voilà. Et pour l'instant, c'est Street Shaman et vous écoutez la spéciale Folie. Folie 105.4 Radio Paunique. Street Shaman, Paranormaman. Paranormaman. C'est ça. Ça. Tortoni et Arbatax. Un jour on l'aura dans l'oignon. Ladies and gentlemen, here comes the story of the funny guys. Funny guys with the honor, they come for fun. Funny guys with the honor, they come for fun. Funny guys with the honor, they come for fun. Funny guys with the honor, they come for fun. C'est Tortoli et Arbatax. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. On repart sur un petit son. Tortoli, je te laisse le choix. Je te laisse le choix. Voilà, si tu veux. Attends, on va voir si tu. Allez, Alors. Bah, c'est très simple. Hein, c'est très simple. Ça s'appelle Comme des fous. C'est le BOSS de Joey Starr. Rappelez-vous. Bien joué. Radio Panique. Zéro, plus rien peut se passer. Le truc qui lit tout, c'est qu'il y a tout qui fait qu'on sature. Tellement de pression que quand je rappe, faut que ça tue. Rien à perdre, chacun veut garder sa thune. Un inédit, j'aille s'épater, faut que ça tourne. C'est fuck celle qui se moque, cocaine. Tellement hâte pour m'avoir, faut se moque, cocaine. Rien à foutre de tout, je me fous de tout et c'est tout. J'ai l'atmosphère qui t'étouffe, dis-moi qui t'écoute. Violence sans cesse, mon rap sans le sexe. L'école est là pour élever ton mental. Le talus pour enlever ton métal. Partout, les faits divers s'étalent. Partout, ça parle de flingue de métal. Nouveau millénaire, mec, faut bien qu'on style. Et tout part vite en couille comme faire grand freestyle. Même ghetto, même but, même bédo, même but. L'argent n'a pas d'odeur, parle plus d'authenticité. Le monde opti aux grandes tacités, ce qu'ils pensent de leur avenir. Un 999 apocalypse, à leur avenir dur d'effacé. Putain, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis juste un sale gosse de 20 pitch qui bosse pour scandale et casier avec stratégie. Faut que t'imagines la scène comme au ciné. Un film signé Fracap et Jice pour tout calciner. L'enfer est sur terre, t'as vu? Et ça, c'est sans commentaire. Je suis juste un homme et je sais plus comment faire. Vu qu'il n'y a plus d'humanité, ni de fraternité depuis une éternité. Si je crois plus en rien, c'est parce que j'ai plus rien qui me tient. À part les liens avec les miens, et tu sais bien d'où je viens. Du 9-3, département. D'ailleurs, je casse des lits tout droit pour les appartements. De Seine-Saint-Denis d'ailleurs. Ça vient de Bondy, qu'est-ce qu'on dit? J'apporte un style, hostile et austère. J'suis pas là pour faire l'imposteur, ni la faux star en poster. Pour le troisième millénaire, on vit les nerfs à vif. Et on vit encore plus vénère, avec toujours du sang que tu kiffes. Faut se faire la belle, terre, ciel ou mer pour être de la fête. Ici comme chaque été, pour s'évader on se pète la tête. On est bien forcé d'y aller, râler ça sert plus à rien. Trop embêté, trop endetté, mais je vais bien. Dernier message du cockpit, dehors c'est le souk. Plus de réseau, plus de souk, il faut boucler la boucle. Nul doute, nos valeurs restent intrinsèques. Au régime au pain sec, en chien entre deux siècles. Il faut garder le moral ici bas, tous le même combat. L'aiguille sur le sillon, le discours en deal, on baba. À l'instar d'un fat cap, SP One Joe et Rostar. Babylone Gesta, on décapite ta casta. C'est un festival, prêt pour le grand final. Instinct animal, sur un son minimal. Des bad délits, en vrai vandale. Je viens marquer les annales de mes coups de sandale. J'suis prêt pour le scandale. Comme des fous. Tortolier Arbatax, les deux grosses mythes de Radio Panique. Yes, I. Voilà, interruption dans la musique, c'était le BOSS comme des fous. Et là, on interrompt pour une petite chronique sur la folie dans l'histoire et la folie dans le cinéma. C'est notre pote Eduardo qui est venu nous faire une sorte de top 10 ou de top 7 des plus folles. Eduardo, par exemple, où est-ce que tu as trouvé ton classement, par exemple? C'est qui l'a fait, ce classement? Internet, j'ai fait une petite recherche parce que j'étais curieux. Ok. Et j'ai trouvé cette liste des 10 personnages historiques les plus fous. Ok. Bah, déjà, les premières deux places sont prises par des serial killers. Un serial killer. Serial killer. Un tueur en série. Des tueurs. En série. En série. C'est ça. Ah, voilà. Les premiers, c'est Jeffrey Dahmer, dit le cannibale de Milwaukee, qui a tuer et manger 17 personnes. Ça va. Et puis le plus connu, Charles Manson. Ouais. Un acteur de western. Pas vraiment, mais. Et, Charles Manson, le mec avec la moustache. Ouais, non, Branson, ah oui, c'est ça, voilà. Autant pour moi. Beaucoup de chansons, beaucoup d'auteurs. Okay. Et puis Adolf Hitler, qui connais n'a pas besoin de. Je connais pas. Un pote. Je te présenterai. Encore un. Au parvis. Encore un américain, probablement. L'empereur Hirohito de Japon qui a décidé d'attaquer Pearl Harbor. Ronald Hubbard, le fondateur de Scientology. Alexandre Magne, aussi un sorte de fou. Pol Pot, dictateur de Cambodge. Cambodge. Henri VIII d'Angleterre, celui qui est l'auteur du schisme anglican. Uh-huh. Et l'empereur Caligula qui est un sociopathique, épileptique, quelque chose comme ça. Épileptique, la folle. Il cumule, lui, il accumule des mandats, quoi. Ah, épileptique. Oui. Et en 10e place, on retrouve Lorena Bobbitt. Tout le monde sait qu'est-ce qu'elle a fait. Bah, Bobbitt, avec ce nom, à mon avis. Voilà. Paniqué. Elle a pas dû sucer que des glaçons. Voilà, bah, c'était pour le top 10. Pas mal, pas mal, pas mal. Et donc, dans le cinéma, si on veut avoir une petite idée de ce que c'est que la folie, je crois que le cinéma a eu des bons fous comme personnages dans différents films. Et toi, t'as un petit classement. On fait quoi? On fait le top 5. Je commence. Numéro 5. Numéro 5. Tyler Durden de Fight Club, interprété par Brad Pitt, un film de 1999. Pas mal. Excellent. Pas mal. Numéro 4. Là, on a Travis Bickle, Taxi Driver. C'est Robert De Niro, 1976. Tout à fait. Numéro 3. On a Tommy DeVito, le caractère de Goodfellas. Les Affranchis. Non, les. Si, c'est ça. Oui, c'est ça. Le titre en français. Il suit, bien Numéro vu. Numéro 2. Numéro 2. Mr. Blonde de Reservoir Dogs. Monsieur Blond, tout à fait. Tout à fait. Blonde. Numéro 2. Et le numéro 1. Attention, des plus fous dans le cinéma. C'est. Jack Torrance. C'est-à-dire Jack Nicholson dans Shining. Dans Shining, bah, bien sûr. Oui, tout le monde se souvient de son expression. De son sourire. Son sourire. Son sourire. Charmant sourire. Oui. Ça va. S'il y a encore 15 secondes, je vais juste dire un mot. J'ai trouvé un livre. Il en reste plus que 10. Écrivante espagnole, c'est Locos de la Historia. Elle fait la description des 6 personnages très connus, des 6 fous très connus. L'une qui m'a impressionné, c'est Elisabeth Báthory, une femme hongroise de noble origine qui a torturé et tué plus que 650 personnes. C'est horrible. Et bon, apparemment, la légende de Dracula, ça origine de cette femme. Hein? Oui. Et voilà, bon. C'est tout. Eh ben, voilà. Je ne vous dis pas qu'elle pratiquait la magie noire, elle organisait des orgies et s'habillait d'homme. Ça, je ne vous dis pas, hein? Non, je n'ai rien dit. Yes, c'est bon ça. C'est bon. Qu'est-ce que. Ben voilà, ben, merci Eduardo. Merci. Merci à vous. Merci Eduardo. Avec plaisir. T'es le bienvenu, tu reviens quand tu veux. qu'est-ce qu'on se ferait? On avait préparé un petit. On avait préparé quelque chose, mais d'abord, on va pouvoir se mettre un petit. Générique? Non, pas un générique, un jingle. On est là pour quoi? parce qu'on n'a rien à faire. On est là pour qui? Pour Tortoli et Arbatax. On est là pour quoi? Je n'osais pas te le demander. Alors? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est Radio Panique. Voilà, vous écoutez Radio Panique. Yes. Et c'est les cloches qui sonnent, mais voilà, un peu d'avance. Voilà, et donc on vous avait gardé un petit cadeau pour la fin, bien sûr. Ça commence à devenir récurrent quand on a des petites thématiques. Souvent, on fait des petits mix comme ça qui nous plaisent. Et là, on a fait un petit mix sur la folie, bien évidemment. Ouais. Est-ce que tu veux en parler? J'en parle. Tu le lances tout mix. De suite. Qu'est-ce qu'on, comment on fait? Je sais pas. On se la joue comment? On peut en parler à deux. Un, deux, trois. Alors voilà, c'est l'histoire d'un générique. En fait, on a décidé de faire un mix. Laisse tomber, je viens d'en parler. Non, mais on va se la jouer pour le lancer. On va se la jouer au Shifumi. On va se la jouer au Shifumi, limite, c'est plus simple. Ah ouais, d'accord. Tranquille. Okay. Ouais, et Pierre Feuille Ciseau, un petit Shifumi. Vas-y, t'es prêt? Voilà, tout le monde. Je pense que tout le monde connaît. Attends, je te mets des coups de pied sous la table. Je mets ma main dans le dos. Attention. Qu'est-ce qu'il gagne le gagnant? Bah, il aura le droit de présenter, de faire partir le mix sur la folie. Il okay appuiera sur le bouton. Allez, on fait un Shifumi. 1, 2, 3. Ok, égalité. Égalité, 2 ciseaux. Ciseaux. Ok, on refait. 1, 2, 3. Bien vu, bien vu. Je t'ai niqué. 1-0. Bien vu. Le premier rendu à 2. Ah non, ça y est, j'ai gagné. Non, c'est bon, 2-0, ça okay, va le faire. Ok, merci. Ça va le faire. Ah bon, bah je peux présenter ce Shifumix. Bah voilà, le Shifumix. Donc c'est un mix avec plein de morceaux qui ont un rapport avec la folie, crazy, madness. Je sais pas comment on dit en français la folie. Folie. Je sais pas. Bah voilà. Et voilà, on a bricolé ça. On a mis des petits bouts de trucs, on les a assemblés. Tranquillement. Voilà. Vous allez reconnaître très facilement ce qu'il y a à l'intérieur, plein de bons petits ingrédients. Et on en reparlera juste après. On fera tout sera dans la playlist, vous inquiétez pas. C'est le Shifumix. C'est le Shifumix. Radio Panique. Spécial folie. Shifumix. Shifumix. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Excuse me sœur, mais j'entends plus Big Ben qui sonne. Des scarabées bourdonnent, c'est la folie à London. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Shifumix. Juste un Mac Morning. Je pète les plombs, putain, je pète les plombs. Putain, je pète les plombs, mais je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon job. J'ai plus rien à perdre, alors suce mon job. Je pète les plombs, putain, je pète les plombs. Putain, je pète les plombs, mais je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon job. J'ai plus rien à perdre, alors suce mon job. Like a fool. Shifumix. Voilà, c'était le Shifu Mix, ou le Crazy Mix, ou le Folly Mix, comme vous le sentez, quoi. Le Crazy Mix Saloon. Et voilà, juste derrière, ce qu'on entend, c'est Madness, c'est avec le titre Madness, qui a été proposé par un auditeur. Voilà. Suivez mon regard. Voilà, j'espère, c'était donc une spéciale folie. Voilà, voilà, j'espère que... Dans cette émission de Tortoli et Herbatax, dans le cadre de la programmation santé mentale. Voilà, qui se tiendra jusqu'au 16 mai sur les ondes de Radio Panique. Il y a toutes sortes d'émissions avec des invités, des débats, des documentaires radiophoniques sonores. Il y a plein de trucs et voilà, nous on a apporté notre petit caillou à l'édifice. Voilà, on était en direct des Folies Bergères, de Fukushima, de Carquefou, de Fujiyama. Fujiyama. De Fouenant, rue de Kerfol. Elle t'est tuée. Oh, elle est belle. Elle est belle, celle-là. Et on va se quitter comme d'habitude avec un classique avant Djiboutique. Voilà, tout simplement. Et le classique, c'est probablement l'homme le plus fou du reggae jamaïcain. C'est Lee Scratch Perry. Lee Scratch Perry, il a un morceau qui s'appelle I'm a Psychiatrist. Et c'est ce que vous allez écouter en guise de classique, mes amis. En guise de classique de cette émission Folie. On remercie tous ceux qui ont mis en place ce mois de la folie. Chloé, tous les gens de panique, etc. Voilà. Et vous retrouvez nos émissions, notre émission et celle d'avant. Sur Tortoli et Arbatax, sur Facebook, sur le radiopanique.org où on a notre petite rubrique. Et puis voilà aussi sur Mixcloud, pour ceux qui connaissent, on met nos émissions sur Mixcloud. Vous pouvez vous abonner à Mixcloud, enfin non, vous podcastez, c'est-à-dire vous laissez juste votre adresse mail à Tortoli Arbatax sur Mixcloud. Et en fait, ça vous tient au courant directement quand on met notre nouvelle émission. C'est fou ça. C'est fou, hein. C'est fou. C'est de la folie. Yes! Internet, la folie. Voilà. Restez au top de votre folle et on se rejoint la semaine prochaine. Tout de suite, c'est Djibouti sur le 105.4. Merci d'avoir situé cette émission. Tchénavo! Salut Herbatax! Salut Shifumi! Je m'en vais tranquillement, j'allume un encens. Tiens, attends, on va se refaire un petit Shifumi parce que je veux pas. Shifumi. Ok. Égalité. Encore un. Shifumi. Shifumi. Oh! Perdu. Bon bah t'auras au moins gagné ça, à défaut de l'expression de la semaine. Allez, ciao! Ciao! I'm a psychiatrist. I'm a psychiatrist. I am a doctor. I'm a soul reactor. I'm a psychiatrist. I'm a psychiatrist. I am a doctor. I'm a soul reactor. I bless my name in the rain. I bless my name and bless my aim. When comes the rain, I heal my patient brain. I am a psychiatrist in the rain. I'm a psychiatrist, I heal brain. I'm a psychiatrist, I heal good aim. I am a psychiatrist from whence I came. Many moons, many moons, many moons. Yeah. Yeah.